Une symphonie. Tu baisses le son de la musique? C'est toi qui as avancé la plateforme comme ça. Ça va mal, hein? Oui, hein? Pas de musique, puis on collait. Mettre fin, justement, à la souffrance de sa vie, c'est ça le titre. On souffre. Tu trouves qu'on souffre dans la vie? Je sais pas si on souffre, mais en tout cas, j'en vois souvent souffrir. J'en connais qui rêvent toute leur vie d'avoir un bébé. Ils travaillent pour l'avoir. Quand ils l'ont, ils doivent le porter quelques mois. Ils souffrent tout le long qu'ils portent. Pour le mettre au monde, ils souffrent encore. Puis après ça, c'est 15 à 20 ans de souffrance continue pour l'éduquer. Après ça, le bébé est rendu adulte, il s'en va. Les parents souffrent encore parce qu'il est parti. Bon, c'est intéressant. On a tous ceux qui ont des problèmes de... personnes qui ont des problèmes d'obésité. Elle souffre parce qu'elle ne veut pas manger, elle mange pareil. Elle souffre parce qu'elle a trop mangé, elle la regrette. Après ça, elle jeûne, je pense. Elle jeûne, elle souffre encore. Elle jeûne. J'en connais qui boivent, ils souffrent pendant qu'ils boivent. Ils souffrent quand ils ne boivent pas. On souffre en fumant, on souffre en arrêtant. Rends-tu compte qu'il faut se lever le matin? Il faut travailler toute sa vie pour garder le corps en vie. Pendant qu'il s'use et qu'il est pourri. À un moment donné, il meurt de toute façon. La mort est souffrance, ta naissance est souffrance, la vie reste la souffrance aussi. Il y en a qui se marient pour être mieux. Ils souffrent avant parce qu'ils sont pas normaux. Ils souffrent après parce qu'ils sont normaux. Qu'est-ce qui se passe, ils souffrent encore? Mais, c'est évident. Il y en a qui se séparent, qui souffrent avant de se séparer. Ils souffrent pendant qu'ils se séparent, puis ils souffrent après de se séparer. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils recommencent. C'est intéressant, la vie. J'en connais qui viennent au monde, puis il faut les envoyer à l'école. Le professeur souffre pendant que les enfants sont là. Les enfants souffrent pendant que les professeurs sont là. Ceux qui lâchent l'école, ils ont du plaisir un bout de temps, souffrent le restant de leur vie souvent, sans compter la souffrance des parents. Ceux qui sont médecins, pour soigner la souffrance des corps physiques. 99% des maladies sont psychosomatiques. Tu comptes, tu souffres parce que tu as mal en dedans. Puis tu souffres pour te la faire arracher. Tu souffres avant de te faire arracher déjà, tu prépares ton coup. Après ça, tu souffres quand tu n'es plus là. Tu passes la vie après ça, fouiller dans le trou. C'est autre chose de souffrir. Quand tu vas aller jouer au golf, il mouille. Il y en a qui passent leur vie à trouver que leurs cheveux sont mal placés, qu'ils sont frisés. Hein? Il y en a qui tombent. À un moment donné, ils souffrent parce que ils sont plus placés. Ils tombent. Ils sont placés dans le lavabo. Ah oui, il y a des femmes qui passent leur vie à souffrir parce qu'ils sont larges. Ils se font griller. Après ça, ils souffrent du cancer de la peau. Il y en a qui prient Dieu. Ils souffrent toute leur vie parce qu'ils ne répondent pas. La journée qu'ils répondent, ils meurent pas. Sérieux? Je connais qui souffrent parce qu'ils ont peur que le parent meure. Après ça, ils souffrent parce qu'ils veulent parler à le parent. Après ça, ils ont peur. Ils tombent plus la nuit parce que le parent leur a répondu. Tu sais, quand tu es rendu à 62 ans, là, et que tes deux amis d'enfance viennent de mourir, ta soeur meurt, ton frère est mort de l'aine, hein, tu te dis, j'ai un numéro quelque part. Moi, là, c'est plus approché de la fin de la perche. Là. Je savais que tu as gagné la loterie. Pour une fois dans ma vie, 5 mois tôt. C'est intéressant. On fait quoi? On fait quoi à part de souffrir dans la vie? On fait autre chose? Ben, ça dépend. Ce qu'on fait, on fait. Les êtres humains, ils font pas mal de ça. Ils souffrent de la souffrance, alors ils fuient la souffrance. Fuyant la souffrance, ils souffrent de toujours avoir peur de remonter la souffrance quelque part. Tu vas jouer au golf, tu souffres si tu perds parce que l'ego est là. Tu joues aux cartes pour passer le temps, puis là, il y en a un qui se matrifie, tu souffres encore. Tu fais rien pour trouver ton jeu de cartes si tu es souffrant. Mais ça t'additionne les souffrances de la vie, puis tu fais une comparaison au bonheur de la vie. Tu vois, ça balance pour voir. C'est encore de la souffrance. La souffrance gagne. Parce que l'humain, il s'adapte à la souffrance. Il s'adapte peut-être pas au bonheur, mais il s'adapte à la souffrance, en tout cas. Est-ce que la souffrance, justement, c'est la recherche du bonheur? Ou est-ce que ça en fait partie? Faire des barrages hydroélectriques, c'est une forme de de fuite, de la souffrance, puis quand il y a une panne de courant, ben là, quand il augmente les tarifs, on chiale. Quand il fait soleil, on souffre, il fait trop chaud. Quand il pleut, il fait trop mouillé. Quand il fait froid, il fait trop froid. Le verre dans la laveuse à vaisselle n'est jamais assez bien lavé, en quoi de tâche dessus. C'est souffrant, la vie, c'est que. Puis, tu as oublié de véhiculer à un moment donné. Une fois par 10 ans, tu vas prendre ton char, mais c'est souffrant. Puis, plus jeune aujourd'hui, ben, quand la vidéo fonctionne mal, ben, on pense au suicide. C'est pas la peine de vivre. La vidéo ne marche même pas. Ben, c'est ça, la vidéo ne fonctionne même pas. Ben, effectivement, on a de l'électricité, les fils des maisons ne sont pas blindés. Fait que les courants qui sont induits dans les fils électriques, ça crée des champs électromagnétiques, ça perturbe tous les corps vitaux. Ça fait que les gens dorment moins bien, les gens sont stressés, les gens sont nerveux. C'est quoi une souffrance? Quand il y a une panne de courant, ben c'est ça. Il y a un son que tu n'entends jamais, que tu n'entends plus. Puis là, ben les gens ont peur. Il fallait allumer le chandelle, mettre le feu à la maison. Il allume le foyer, trouve pas les briquets. Je te dis, moi, l'enfer, là, c'est un terrain de golf où il n'y a pas de balle de golf. C'est l'enfer. Mais c'est sur la terre, souvent, c'est comme ça. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Oui. Il n'y avait pas d'électricité avant, il souffrait de quoi? Ben, ça veut dire que quand l'humain n'avait pas de conscience, l'humain ne souffrait pas. Il n'avait pas plus d'électricité, il gelait, il mourait de froid, il mourait de faim, il mourait de sexe. Mais il ne souffrait pas parce que l'humain n'avait pas de conscience. Avec la souffrance. Elle était là, mais elle n'était pas conscientisée, donc l'humain ne souffrait pas. C'est parce qu'on est conscient qu'on souffre. Uniquement parce qu'on est conscient qu'on souffre, puis dans notre conscience, eh bien, on essaie de fuir la souffrance, puis ça engendre une autre souffrance. Okay. C'est comme celui qui veut cesser de fumer, mais en plus de fumer, il y a un problème en plus à l'intérieur de lui, le combat contre la cigarette. Mais il fait deux problèmes. C'est l'évolution. Donc on est mieux d'arrêter d'évoluer, on va arrêter de souffrir. On est mieux d'arrêter d'évoluer. Mais on peut pas. Le problème, c'est que l'évolution, c'est pas dans les mains de l'homme. Tu passes ta vie à travailler pour pouvoir faire quoi? Tu meurs de toute façon. Tu l'exhortes à tes fils, tu l'exhortes à tes filles, tu l'exhortes à tes voisins, tu l'exhortes à, bon, à qui tu voudras. Si tu connais bien les autres, tu l'exhortes à tes ennemis, c'est leur donne tout ton karma. Ils sont contents, ils pensent qu'ils viennent d'hériter, puis ils savent pas, ils courent là-bas qui m'a tout donné, mais ils savent pas à quoi s'attendre. Puis finalement, ben, c'est ça. L'humain vient au monde. À un moment donné, il y en a qui se conscientisent. Subitement, il découvre, pouf, je viens de me conscientiser. Dieu, là, ce que je pensais que c'était, là, c'est pas ça, c'est pire. C'est la conscientisation. Pouf, tiens, on n'aime pas. Mais là, je viens de me rendre compte que ma femme, elle m'aime comme elle aime les fleurs. Puis quand elle aime les fleurs, ben, elle les coupe, elle les tue, elle les met dans un pot sur la table, elle les aime, elle les regarde. Quand la fleur est fanée, elle met ça au poubelle, puis c'est pour ça qu'elle me recharge. La conscientisation, ça permet des choses comme ça. Ça permet de te rendre compte que l'humain est manipulé. Ça permet de te rendre compte qu'il y en a qui chiolent pour rien. Ça te permet de chioler que les gens chiolent pour rien. Ça te permet de dire, ah, tu es quelqu'un qui est manipulé. T'es manipulé par la dire ça. C'est bon. C'est la conscientisation. Il y en a qui deviennent des martyrs de la transition aussi. Il y en a qui ont plein d'argent, à un moment donné, ils n'ont plus. Il y en a qui ont plein d'amis, à un moment donné, ils n'ont plus. Il y en a qui ont plein de croyances. Il y en a même, à un moment donné, qui se disent, qui sont tellement évolués, qui se disent, crime, la vie ne sert à rien. Mais ils se suicident même plus, parce qu'ils se disent, ouais, la mort non plus, ça sert à rien. Puis ils ne savent plus où aller. C'est de la souffrance. C'est uniquement de la souffrance. On regarde la Bible, on parle de souffrance, on regarde les histoires, c'est uniquement de la souffrance. 99% des chansons d'amour, les gens se plaignent là-dessus. Tu fouilles partout comme ça. Finalement. Vous avez rencontré quelqu'un qui était heureux? Ben, plus longtemps que le temps qu'ils disent oui, là. Avant d'arriver ici, je t'ai pas payé. Non, là, je parle, là. Avant de commencer la conférence, je t'ai pas payé. T'étais inconscient, dirait Siddhartha. T'étais inconscient. Tu souffrais autant. Tu savais pas. Pourquoi tu penses que ton corps physique vieillit? Puis que tes cheveux changent de couleur, puis etc. Et pourquoi que on a des problèmes digestifs, ici, des ça? Pourquoi on a plein? On a beau être heureux. Quelque chose qui va pas quelque part. Dans le port. Quelque part. Dans le port. J'ai aucune idée pourquoi ça nous arrive, mais il me semble que c'est évident et... Il faut dormir le soir. Il n'y a rien de plus niaiseux que de dormir le soir. Ou de se réveiller le matin, on me réveille mieux pas me réveiller. Parce qu'il faut manger, il faut s'alimenter. Et puis une fois qu'on s'est alimenté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller jeter. Aller aux toilettes. Et c'est pas fort. Mais on n'a pas le choix. Mais c'est encore bien pire. Ça me fait plaisir, là. Pas fort. Si on regarde la mécanique au complet, toutes les... l'Europe va peut-être devenir un seul pays. Génial. Bon, ils font la guerre maintenant ensemble contre quelqu'un d'autre. Puis ils vont continuer à faire des... En temps de paix, il y a plus de suicides puis de meurtres qu'en temps de guerre. Ben, c'est sûr que les meurtres, quand on les voit, là, disons, tu sais, bon. Mais il y a quand même plus de problèmes en temps psychologique pendant les temps de paix. Pourquoi? Ben, c'est la paix. C'est la paix, c'est souffrant, la paix. Moi, je connais quelqu'un qui a gagné 1 600 000 $ à la loterie, t'es heureux. Il a tout à changer sa maison, il a tout organisé, c'était le bonheur. 6 mois après, il s'ennuie à mourir, il n'a plus rien à faire. Fait que là, il a vu le voisin à côté, il a vu comment il était pauvre. Là, il a commencé à l'aider. Il se lance en mission, il n'y a rien à faire. Il ne peut pas supporter longtemps son besoin. Le fait qu'il n'y ait plus d'assujettissement, disons, direct, avec la problématique courante. Alors, il a commencé à se lancer en mission. Il y en a un autre de mes amis, c'est son père. Lui aussi, il était courtier d'assurance. Ah, il y avait une porte comme ça, là, qui s'ouvre tout seul. Il y avait pour ses vieux jours qu'il disait. Il est mort 45 ans, alors qu'il ne s'est jamais servi de son piton. Mais c'était pour ses vieux jours. Puis il a fait travailler ses enfants dans le cours en arrière, quasiment toute la jeunesse au pic-papé, à la creuser, à faire une piscine, à planter des arbres, puis des boulots. Puis il fallait que mon chum les arrose. C'était 1 heure chaque boulot. Puis il y en avait des boulots. C'est du boulot. Et puis il travaillait comme ça sans arrêt. Il y avait un Capharnaüm, il était toujours rendu dedans pour chercher des outils, en dessous du balcon. Puis finalement, subitement, le bonheur lui tombait en plein visage. La voix de Dieu, le message parfait, il rentrait dans une secte absolument géniale, il a tout donné, ses enfants compris. Et puis finalement, pour donner plus, il a vendu sa maison, ce qui fait que les arbres, ça avait servi à rien. Le nouveau propriétaire a coupé à moitié des arbres, il ne met trop. Et puis le bonhomme est mort finalement d'une crise de cœur, 40 quelques années. Ben, c'est ça. C'était une vie. Il a fait de la MTS, la méditation transcendantale. C'est tout fait. D'étape en étape vers le bonheur. Puis quelqu'un va dire, oui, mais il est mort heureux, peut-être, mais on ne sait pas où il est rendu. Parce que dans la secte, le Dieu était petit. J'ai rencontré moi des mormons, puis ils ont assez souffert parce que j'ai pas voulu me faire baptiser. Sérieux, ça sert à quoi d'être mormon si tu souffres moindrement que quelqu'un te dit non? J'ai rencontré des témoins de Jéhovah, ils sont plus chez moi. Ils sont plus jamais revenus. Ils ont souffert quelque part. Ils sont installés en église pas loin de chez vous. Pour la oui, les évangélistes et les témoins de Jéhovah, ils ont mis des piliers à côté de la maison. Mais, c'est souffrant. Tu sais, tu dis, s'il y a une seule chose sur la planète que tu n'aimes pas, tu ne sais pas aimer. Puis quand le maringouin vient d'atterrir sur le bout de ton nez, tu fais quoi? Dieu a créé un maringouin uniquement pour que tu l'as placé. Snack. De toute façon, tu ne le laisseras pas te piquer comme ça. Bref, pourquoi qu'il vient te piquer, Torieux? T'as beau leur dire, allez-vous-en, si vous venez chez moi, il y a un réflexe mécanique qui fait que je fais ça. Donc, ça ne vous sert à rien. Allez donc piquer les animaux, allez donc piquer quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Ça ne sert à rien de venir là. Vous marchez et vous mourrez. T'sais, c'est idiot. Totalement stupide. Je mange même pas. C'est inutile. Bon, ça vient encore piquer, puis ça se promène comme ça, puis bon, hein? Les fourmis qui rentrent chez vous, là, ils sont heureuses. Mais Monsieur Raid arrive, puis il est heureux lui aussi. Les fourmis. Tu sais, la mère qui a mis des biscuits empoisonnés pour les souris. Les enfants qu'ils ont mangés. C'est ça. Exact. C'est plein comme ça. Vous achetez une piscine, génial. Quand vous sortez le cadavre de dedans, c'est moins le fun. C'est la vie, on appelle ça la vie. Hein? Dieu veille sur l'homme, puis c'est la justice. C'est correct. Les voix de Dieu sont impénétrables. Quand je vais dans le champ, moi, les voix sont impénétrables aussi. Il n'y a pas de voix. Alors, je ne sais pas si Dieu a plein en arrière de ça, mais en tout cas, peut-être qu'il y en a en arrière. C'est temps qu'il mette en avant. C'est tout ce qui va bien mal. Si on passe notre vie à regarder la vie comme ça, on ne fera pas long. Mais regarde le frère André. Il a-tu aidé du monde? La moitié de ceux qui ont guéri sont devenus malades après, puis lui, il est mort. Moïse, Abraham, puis mettez-en, Jacob, puis les autres, Mahomet, à coup d'épée, t'allais convertir. Ben c'est ça. Napoléon, génial, un Jules César. Tu peux aller sur le tombe, puis aller cracher sur le tombe, ils n'auront rien. C'est le Pony Express pour ceux qui connaissent. Il y en a qui sont morts, qui ont couru à cheval, c'était une vraie farce. Puis, ouais, c'est... Samuel Morse est venu au monde, tu sais. Pour tout mettre le Pony Express à faire, il inventait le Morse. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. Le gars qui courait, là, il courait pas assez vite. Il était l'électron le plus vite que lui. Edison, puis les paquets, ils ont réussi à faire l'électricité. Voilà. Pierre Machin, lui, il est mort électrocuté. La vie. C'est beau, la vie. T'aimes ça, hein? Ben là, je suis plus sûr, là. Hey, franchement. C'est un film noir, t'es en train de me décrire. Mais c'est pas juste ça, la vie. Il y a des bonheurs aussi. Donne-moi des exemples. Ben, le bonheur, ça peut être de regarder une fleur. Est-ce que, la vie, c'est la... Est-ce que la vie, c'est une souffrance ou la vie, c'est un bonheur? La vie, c'est un mélange des deux. Ouais, c'est ça, c'est un mélange, ouais. Ben, il y a des bonheurs, il y a des bonheurs. Comme le noir, c'est un mélange, le noir et le blanc. C'est pas mal ça, la vie. Tellement pas de blanc dedans, c'est un restaurant, mais c'est un mélange. Non, c'est pas juste des souffrances, il y a des bonheurs aussi. Ben, comme quoi, tu regardes une fleur. Ben, comme quoi, c'est le cadran. Le cadran. Le cadran arrive, tu sais. Faut que tu replantes l'année d'après. Non, mais pendant que tu le regardes, il y a une période de bonheur. Ouais, tu regardes ton jardin, c'est génial. Je pense que ça va se passer dans ton deux, c'est ça. Quand le cadran sonne à 7h15 puis que je le ferme puis que je dors un heure de plus, ça c'est le bonheur. Ah, absolument, absolument. Tu passes la journée ou la semaine, sinon le reste de ta vie, tu t'as perdu de l'emploi, à le regretter. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Quand tu manges un gros gâteau chaud, ben sucré, là, c'est le bonheur total. Quand tu fais t'arracher dedans, ben. Non, c'est ça. Chaque fois que vous avez un bonheur, vous allez payer par une souffrance. Mais jamais on est récompensé d'une souffrance par un bonheur. Ça veut dire, oui, après quand t'arraches dedans, t'as plus mal. Plus dedans non plus. C'est plus vrai, là, on joue. Mais ils sont pas nécessairement balancés, les deux? Ben, c'est possiblement. C'est, il suffit de calculer. Dans une journée, combien de fois chiolons-nous qu'on est heureux? Puis combien de fois chiolons-nous qu'on est malheureux? Bon, on dit pas qu'on est malheureux. On l'est. En tout cas, il y a quelque chose qui va pas. Si on n'est pas, on n'est pas malheureux, on n'est vraiment pas heureux. Puis en plus, si on l'est pas, c'est parce qu'on est inconscient. Si on n'est pas malheureux, c'est parce qu'on est inconscient? Bien, plus souvent qu'autrement. Mais plus on est conscient, plus on va être malheureux. Pourquoi les personnes... Bon, dernièrement, je faisais... Il faut plus que j'en parle, C'est la dernière fois, il faut plus que j'en parle. On parlait un peu du maquillage. Et puis, c'est ça, mais pourquoi? Ah, mais je suis heureux quand je me maquille, puis je sais, t'es heureux quand tu coupes la moustache, puis t'es heureux quand tu t'habilles, puis t'es heureux quand tu déshabilles, puis t'as heureux que c'est niaiseux. À quoi ça sert d'être heureux? Ben, c'est plus agréable. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est plus agréable que de regarder le malingouin et de me demander qu'est-ce qu'il venait faire sa planète. Et au moins, t'en le tues et t'oublies ça. Oui. Ça fait que tu l'oublies. Ils ne t'oublient pas, eux autres, par exemple. Tu l'oublies. À un moment donné, tu n'as plus rien à faire. Ah, j'ai réglé mon problème. C'est vrai. On va faire du camping avec un de mes chums, il ramasse tout le malingouin. Oui, moi, c'est ce que je fais. Il dit que c'est incollant. Là, je me passe pas la journée à me demander à quoi ça sert d'être malheureux. C'est évident, tu pourrais pas vivre. C'est pour ça que dans la conscience humaine, il y a des mécaniques qui ont été inculquées dès le départ pour que l'humain ne se rende pas trop compte de la phase dans laquelle il est placé. Quand on parle dans la Bible d'Adam et Ève, puis ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, puis à partir de là, Dieu les a punis. Il a dit, maintenant, à toi la femme, tu vas enfanter dans la douleur. Tu es de bonne âme, faire du travail pour gagner ta vie. En réalité, la femme a toujours souffert d'enfanter. Dieu n'a rien dit. Tout ce qui est arrivé simplement, c'est que subitement, elle s'en rendait compte. Alors, pour pas que Dieu dise, écoute bien, t'as tout fait ça, là, mais Dieu lui a dit, c'est parce que t'as fait ceci que maintenant, ça va être comme ça. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à foutre. Quand l'humain a fait ça, manger, disons, là, il y a eu la connaissance, il y a eu la conscience. Mais il y a eu la conscience, en ayant la conscience, il a découvert dans quel merdier lui t'a placé. C'est tout. On n'a pas inventé le merdier. Quand on parle de la chute, c'est à cause qu'on a mangé de l'arbre. On est fait à l'image de la ressemblance de Dieu, puis finalement, il faut manger une pomme de plus pour être comme lui, puis en mangeant, on est comme lui, mais on n'est pas comme lui, on souffre tout le temps. Bon, puni par notre Créateur qui ne nous a pas créé suffisamment parfait pour que finalement, on n'en mange pas de la maudite pomme. Non, on a toujours été dans un merdier, il n'y a rien à faire, on est dans le pire des mondes. Tout va pour le plus mal dans le pire des mondes. Mais là, ce qui n'est pas encourageant, là, en t'entendant, entre autres, c'est que plus ça va, plus c'est pire. Ben oui, plus c'est pire. En réalité, il n'y a rien qui a changé, mais plus ça va, plus on s'en rend compte. Mais plus on se rend compte de... Exact. Ben oui. Quand quelqu'un qui vit, là, sur le bateau Grosso, il ne souffre pas beaucoup, il n'y a aucun problème. Quand il met les mouches, il vient d'atterrir sur lui. Tu sais, il y a ça des pets de graisse, de saleté avec le maringouin, il reste que là-dedans. Il sert de bouclier pour les prochains meringouins. C'est pas un problème. Amène-le ici, lave-le, Amène-les chez McDonald's. Mmh. On peut chialer. Amène-les chez McDonald's. Après ça, ramène-les sur le Mato Grosso. Ils se suicident. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ici, dans quel merdier il vit? Ici, il va aux toilettes, il tire, puis ça en va. Il peut même boire après dedans s'il veut. Ramenez ce Mato Grosso après. Il fait chaud, on est le climatiseur. On met le ventilateur. On va au cinéma, tain, il fait froid là, il fait frais dans le cinéma, pour regarder un film pendant ce temps-là, dans les pays chauds. On dit, maudit qu'ils sont bien. Ah, qu'ils sont bien. Autochtones, tu sais, puis naturels. Ah, qu'ils sont bien. J'ai dit, les pays chauds, moi, il fait chaud, les pays chauds. C'est pas... Il y a des arbres à fourmis, entre autres. Tu sais, quand le gars couche avec la fille du voisin, là, il l'attache après, il tape sur le tronc, puis là, les fourmis sortent. Ils grimpent des feuilles, puis là, ils sécrètent de l'acide formique. Ça coule sur le gars, ça brûle sa peau, ça le brûle tout partout. Le gars, il crie, puis quand il est suffisamment brûlé, les fourmis descendent, puis il bouffe. Le gars, toujours vivant. Pas longtemps. 4-5 heures. C'est quand même assez vite là-bas, ils n'ont pas la même notion du terre, tu sais, mais ici, il y a des problèmes. C'est la vie. Ouais, mais on va pas rester comme ça. Il y en a qui rêvent de se faire sauver par des extraterrestres. Quand vous allez avoir perdu 40 fois là, au jeu d'échecs à trois dimensions avec un extraterrestre dans le vaisseau spatial, après ça, vous allez faire quoi? C'est bien beau, je le dis souvent, on va aller au ciel, rentrer au ciel, on fait quoi? On va jouer aux échecs en trois dimensions. Quand on peut avoir quoi? Ah, on va souffrir toute notre vie et toute notre mort. C'est quelque chose comme ça. Très encourageant. Là, le titre de la conférence, c'est « Mettre fin à la souffrance de la vie ». Bon. Je n'ai pas compris le titre. Tu as peut-être compris définir la souffrance de la vie. Mettre fin à la vie par la souffrance, vous avez compris. C'est à la souffrance. Oui, tout ce que j'ai dit, c'était pas vrai, le bord. On repart. On est heureux. C'est ça. On est heureux. Les piscines, c'est le fun. Puis en genre, santé, ça n'existe pas. Puis. Bon, tu vois, vas-y. T'as-tu des questions? Oui, j'ai amené le coup. Comment on fait pour arrêter la progéniture de Malingouin? Tu mets des produits chimiques comme du DDT. Ça tue tous les insectes. Bon, ça tue les oiseaux aussi. Mais plus besoin d'oiseaux, parce que de toute façon, il n'y a plus d'insectes pour le tuer. Ils vont mourir de faim, autant les tuer tout de suite. Ça fait que ça, c'est une des solutions. Après, il y a même un gars qui me dit que c'est à cause des défoliants que les hommes perdent leurs cheveux. Les produits chimiques que l'armée met pour faire tomber les feuilles. C'est franchement. Ouais, que le monde met fin à la souffrance. Pas en se suicidant, pas en se tuant. On va souffrir toute notre mort. Ce que tu disais tantôt, c'est qu'on est de plus en plus souffrant parce qu'on est de plus en plus conscient de la réalité de la souffrance. C'est vrai. Est-ce qu'on peut devenir moins conscient? J'ai déjà la réponse, c'est non. Continue. Est-ce qu'on peut devenir plus conscient puis passer par-dessus cette conscience de souffrance? Ben, c'est ce que l'humain espère. Bon, ça, c'est juste l'espérance. Fondamentalement, l'être humain doit, à un moment donné, pour parvenir à cesser de souffrir dans la vie, mettre fin à la souffrance de la vie, faut que l'homme, la femme et l'enfant parviennent à avoir une vision totalement différente de ce que c'est la vie. La personne qui se dit « la vie, c'est... » La vie, c'est un temps où on peut réussir quelque chose pour plaire à un Dieu quelconque. C'est dangereux, parce que chaque fois, vu qu'il est manipulé, chaque fois qu'il manque son coup, il se sent coupable, il souffre, puis il a peur. Bon, il a peur de l'enfer, il a peur des foudres de son Dieu, il a peur de manquer son coup s'il meurt trop vite. Fait qu'il court à l'église. Puis il pousse celui qui vient pour entrer, il va se confesser. Bon. La personne qui a une vision que réussir sa vie, par exemple, c'est d'arriver à avoir un emploi, à faire de l'argent, à monter financièrement, va avoir des problèmes. Donc, nécessairement, si on veut mettre fin à la souffrance de sa vie, ce ne sera pas une conférence comme ça qu'on pourra faire ça, mais il faut qu'on comprenne certaines choses. La première chose, c'est de voir le problème. On est alcoolique de la vie. Bon. Il y a plein de bonnes choses dans la vie, c'est probable, très probable. Les humains ne font qu'y croire, et ils ont l'espoir de le trouver. Je ne connais pas d'humains qui en trouvent. Qu'est-ce que tu veux dire par alcoolique de la vie? Mais on se drogue à la vie. C'est l'alcoolique, qu'est-ce qu'il fait l'alcoolique? Il boit pour oublier qu'il souffre, mais sa souffrance est uniquement reliée à sa façon d'oublier qu'il souffre. il boit. Il boit pour oublier qu'il boit. Puis on vit pour oublier qu'on vit. Ben oui. C'est vrai, il comprend vite, franchement, là, bien. Pourquoi, c'est quoi le grand besoin fondamental de l'homme quand l'humain a une conscience? Se distraire, uniquement. Se brûler à la vie. Alors, on se brûle à la vie comment? En regardant la télévision régulièrement, on finit par devenir... En tout cas, on se brûle à la vie. On prend un petit drink, on mange, on sort, on va à la ronde, on va au cinéma, on va... Oui, mais il faut bien s'amuser, d'accord. Bon, on ne fait que se distraire, il y a une nuance. Les jeunes sont très conscients, mais regardez-les avec leur Walkwoman puis leur Walkman. Bon. Et c'est tout, c'est fini, on s'enferme totalement. Il y en a que c'est le travail. Là, je me distrais pas, je travaille. Distraction, mon ami. Uniquement. Je fais de la création. Distraction, mon ami. Bon, c'est le rôle. L'humain fuit totalement quelque chose et nécessairement, il y aura souffrance. Plus vous évoluez, plus vous souffrez. C'est comme ça que ça se passe. La personne qui n'évolue pas, mais qui rentre dans un voluptueux nuage de croyances, de foi ou d'espoir, elle temporalise sa souffrance. La journée qu'elle arrive à la désillusion des dieux, ça c'est avant d'arriver à la désillusion de la vie. Après, il y a probabilité que tu puisses mettre fin à la souffrance. Exactement comme si vous essayez régulièrement de régler un problème. Bon, je vous donne un exemple assez facile. Ma femme, moi et ma fille, on s'engueulait régulièrement parce qu'on voulait qu'elle fasse son lavage. Okay. Ma fille. On voulait qu'elle fasse son lavage. J'allais l'essayer un chandail, il faisait pas, je me le mettais dans le lavage. Je prenais un autre chandail, non, pas celui-là, dans le lavage. Plié, c'est compliqué. Bon. Alors, il y a énormément de pression au moment de bon. Puis dans la maison, ça va mal parce qu'elle traîne. Tu sais, c'est bon, quelque chose qui va pas. Maudit problème, souffrance. Alors, tout. La discussion, le dialogue, la punition, les réflexions intelligentes, tout au complet pour qu'elle finisse par comprendre. Elle a compris, alors rien à foutre, elle fait le lavage, la bonne femme, elle le fait. C'est sa mère, elle a pour ça, bon, c'est réglé. Sauf que le problème qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas plus heureuse, même si elle ne fait pas son lavage, parce que dans la maison, ça ne va pas. Ma femme et moi, on n'est pas plus heureux, jusqu'au jour où on voit différemment tout le phénomène. Et c'est ce que l'humain doit faire, voir la vie différemment. La journée que ma femme et moi, on se dit, on s'en fout qu'elle lave pas son linge. Ce qu'on veut, c'est cesser de le laver. Il y a une nuance totale. Pour plusieurs personnes, mais voyons, non, si on ne lave plus, elle ne lavera pas plus. On s'en fout qu'elle ne lave pas. Ce qu'on veut, c'est que la mère, entre autres, cesse de laver le linge. Quand la bonne femme décide, le bonhomme décide que c'est ça le problème, c'est qu'on voulait simplement avoir la paix. Mais là, pour avoir la paix, on est convaincu qu'on doit être sur son dos et qu'elle doit faire quelque chose comme nous autres on le voit ou comme nous autres on le fait. Donc, on veut manipuler la vie dans le cas de ma fille, puis ça ne passe pas. Fait que finalement, je suis fini là. Évidemment, ma fille, quand son linge était suffisamment sale, il se poussait. Elle est allée voir ma mère, sa mère, ma femme, et puis là, elle lui dit régulièrement, « Ouais, mais elle a fait des pressions pour qu'elle lave son linge. » Mais c'est facile maintenant. C'est, voyons donc, moi, je ne me regarde pas. Plus de chicane, plus de problème. Jusqu'au jour où elle a commencé à laver son linge. Bon. On voit des problèmes comme ça, dont la vie en est un. Prenons l'exemple. Je dis souvent aux personnes, croyez-vous à la réincarnation? Oui. Croyez-vous à la résurrection? D'autres disent oui. Ouais, c'est plaisant, hein? Ça nous permet de mieux dormir la nuit. Mais on ne sait pas tout. Non, moi, je crois à la réincarnation. Oui, c'est bien bon. Je crois à la résurrection. Génial. Ça nous permet de bien dormir. C'est bon. Mais on souffrera toujours parce que finalement, on ne saura pas tant que... Mais c'est ça. Mais tant que tu n'es pas là, tu souffres. Alors, il y a une façon de mettre fin aux souffrances de la vie. C'est pas de s'aimer plus les uns les autres. Il y a trop d'amour sur sa planète, c'est pour ça qu'il y a juste la guerre. Bon, il n'y a rien à faire. Tout le monde veut violer l'espace vital d'autrui uniquement pour essayer d'être dans un collectivisme plus sécurisant. Autrement dit, on veut faire supporter notre souffrance par tout le monde. C'est là qu'on fait, c'est ça. Si on s'aimait moins, il y aurait moins de guerre. Ben, c'est évident. Si les Russes ne s'aimeraient pas, ils ne pourraient jamais s'allier contre les Américains. Les Américains s'aimeraient pas, ils pourraient pas s'allier contre les Russes. Ils vont se battre entre eux autres. Mais non, j'ai pas dit qu'il fallait se détester, il fallait s'haïr. C'est pas ce que j'ai dit. Mais quelqu'un qui aime l'argent, il aime l'argent. Mais s'il aimerait pas autant, là, ça serait moustiquement mieux. Quand ton fils va rentrer là, avec la tête rosée, là, puis des tatouages en tête, là, mais, oh, tu vas lui dire, paquet de bêtises, c'est pour ça que tu vas dire, c'est parce que je t'aime que je te dis ça. Mais c'est ça que je te dis, si tu l'aimerais un peu moins, là, ça irait mauditement mieux. L'humain a toujours aimé énormément. Les tribus se sont faites la guerre parce que la tribu s'aimait elle-même, fait qu'elle plantait d'autres. Hein? Bon. Le bonhomme aimait la bonne femme, fait qu'il se battait contre l'autre. Hein? Et c'était des combats de territoire pour la femme, comme les animaux font aussi. Puis c'est régulièrement comme ça. Il y a une autre forme d'amour, qui est un état de l'amour intelligent, qui fait partie d'un sentiment, d'une vibration, d'une résonance. Mais ce que l'humain parle, quand l'humain se dit simplement, pour cesser de souffrir, tout ce qu'on a à faire, c'est se remettre entre les mains de Dieu. C'est vrai. Regardez Jean le Baptiste. Regardez le Nazaréen. Regardez tous les apôtres. Bon, regardez Jean d'Arc. Puis regardez Templiers. Puis regardez Templiers. Jean Paul Ier, par exemple. Ah, c'est vrai, c'est très bien des mains de Dieu, tu sauves toute ta vie. Les martyrs. Puis on les vénère, les martyrs. C'est ce qui est le plus beau au Dieu de Dieu. On parle de Mahomet, ben c'est ça. Dans l'original, dans une grande partie de la religion musulmane, il faut mourir sur un champ de bataille entre un infidèle si on veut rejoindre Dieu. Si on regarde les teutons avec Odin, on allait au banquet d'Odin. Les guerriers allaient au banquet d'Odin. Là, tu pouvais boire du vin dans le camp d'un guerrier que tu avais tué. Et on est des descendants de ces trames-là, et aujourd'hui, c'est relativement similaire. Mais si on regarde les disciples de Krishna, la femme, elle est là uniquement pour servir l'homme. Puis si elle sert l'homme suffisamment bien dans plusieurs vies, peut-être que Krishna va la faire réincarner en homme, seuls les hommes peuvent être sauvés. Ça, c'est l'évolution. Ben oui, ça. Tu te rends compte de la souffrance en homme, puis en plus, pourquoi il y a une petite couette, les Krishna, c'est parce que c'est là par là que Krishna les ramasse pour les sauver. C'est vrai, c'est l'idée. Et souvent, j'ai été dans les temples, à un moment donné, puis là, qu'il y a une jambe dans le cloud, puis un bleu, là, ben oui, qui vient manger un gâteau, faut pas. Paf! Il se donne les coups. Il mange pas le gâteau. Mal. Et, pof, c'est la vie. Siddhartha Gautama, Bouddha, c'est lui le premier qui l'a dit, finalement, s'est rendu compte que toute l'évolution que l'humain essayait d'employer ne menait à rien. Pourquoi ça menait à la réincarnation? Tu souffrais en naissant, tu souffrais toute ta vie, tu souffrais en mourant, tu souffrais dans le monde de la mort, tu souffrais en naissant, tu souffrais toute ta vie. Et on appelait ça la roue de la vie. Les Tibétains vénèrent encore la roue de la vie. Et lui, ce qu'il a dit à un moment donné, c'est que la seule façon de s'en sortir, c'est de s'arranger pour ne plus se réincarner. Et voilà, c'est un bon point. Ne plus revenir. C'est une bonne chose. Mais il y a encore des personnes, moi, mais je ne verrai plus de fleurs, puis je ne verrai plus de ci, puis je ne verrai plus de ça. C'est ça. Tu es habitué à souffrir. Continue encore un peu. Puis à un moment donné, quand tu seras écœuré d'être écœuré, tu seras probablement initiable. Est-ce qu'il était capable de ne pas se réincarner? Ben, il paraît qu'il est mort le sourire aux lèvres. Sa femme pleurait. Et certains disent que Maitreya a réincarné Bouddha. Bon, pas sûr. Il y en a les deux qui se trompent. Ah, tu crois. Il y en a un qui l'a, l'autre l'a pas, mais... C'est intéressant. Effectivement, on peut mettre fin à la souffrance. Mais lui, il n'a pas mis fin à la souffrance de sa vie, il a mis fin à la vie. Non, il a mis fin à la vie et à la mort. Ben c'est ça, c'est encore pire. C'est mieux. Vous voyez comment les égos, ça parle? Ouais. C'est pire. Mais c'est ajusté. C'est mieux. C'est mieux s'il arrête de souffrir, mais ça dépend de ce que tu vis après. Comment on ne sait pas qu'est-ce qu'on va vivre après. C'est on facile de mettre fin à la souffrance de sa vie. C'est très, très, très facile à dire. En tout cas, très facile à dire. Facile. Mais, je répète, il faut voir la vie de d'autres façons. Si on veut mettre fin à la souffrance de sa vie, à partir, en conservant notre vieille peau, nos traditions, nos archétypes, nos vieilles formes. Bref, si on veut mettre fin à la souffrance de sa vie en conservant tout ce qui nous fait souffrir, on réussira pas. Donc, il faut qu'on se branche quelque part. C'est évident. C'est important, sinon on n'en sort pas. On peut faire de la philosophie, on peut faire du positivisme, c'est-à-dire voir la vie pathologiquement positive. On peut faire du négativisme, voir la vie pathologiquement négative. Ça peut être réaliste. Ce serait bon là-dedans. Ouais. Non, moi je suis réaliste. Non, mais par rapport au début de la conférence, t'étais bon là-dedans. Non, je suis réaliste, j'expliquais un point de vue de la vie. Mais c'est tout simplement changer notre point de vue, de faire en sorte d'arrêter ce Non. C'est quoi? Mais c'est s'arranger pour comprendre à quoi sert la vie, puis commencer à se servir de la vie. Présentement, on était servi par la vie. On sert la vie. À quoi l'humain sert? Il sert à engendrer la vie. Croissez, multipliez. Multipliez-vous. L'humain sert à engendrer la vie. Il sert à entretenir la vie. Certains diront qu'il sert aussi à la détruire. Ah, ben, il faut bien qu'il se fasse un peu de place sur le territoire. Mais il faut qu'on apprenne à se servir de la vie. Si on se sert de la vie, là, on pourra monter des échelons, des marches, plutôt que d'être très passif sur un escalier roulant qui est en panne. Bon. Comment tu fais pour le repartir, l'escalier roulant, qui est en panne? On ne parle pas. Monte. Tu te lèves debout et tu marches. Eh oui! Lève-toi et marche. Des paroles célèbres. Il y en a qui s'en servent pas, ils célèbrent les paroles. Au lieu. C'est ça, adorer la tradition. Mais c'est ça. Il faut pousser la conscientisation plus loin. Il faut que l'humain devienne son seul maître. Il faut que l'humain se prenne en main et fonctionne. L'escalier monte plus, monte. C'est simple, monte. Tu veux redescendre, tu peux pas descendre. Il n'y a rien à faire, ça ne descend plus. Alors monte. Puis l'humain attend toujours que l'escalier reparte. Ça repart de temps en temps, 3-4 marches, ça arrête. Trop de monde, ça, dessus, ça trempe en montant, puis ça monte un peu. 16, monte, monte. Débarque du chemin collectif, puis monte. Puis attends pas à savoir si les autres ils vont suivre, monte. Mais plus tu montes, plus c'est souffrant. Non, plus tu montes, moins c'est souffrant. C'est plus on te monte, plus c'est souffrant. Mais si c'est toi qui montes, c'est moins souffrant. Mais on n'a pas de libre arbitre. Comment tu fais pour décider de t'élever, d'être dans les marches puis marcher? On a une liberté de conscience. Il faut que ce soit notre conscience qui nous fasse lever. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est quand un être humain achète un billet de loterie, il gagne. Il achète un billet de loterie pour gagner. C'est ça, le libre arbitre. Ça veut dire que quelqu'un qui a le libre arbitre a la face qu'il veut, le corps qu'il veut. S'il ne veut pas dormir, il ne dort pas. S'il ne veut pas manger, il ne mange pas. Quand il a fait la nourriture, il est là, il a le libre arbitre. Bon. L'humain dit que, traditionnellement, l'humain a un libre arbitre. Mais l'humain n'a pas de libre arbitre du tout. C'est pourri. Le libre arbitre est implanté dans la conscience psychologique de l'homme, de la femme et de l'enfant uniquement pour qu'on puisse engendrer la culpabilité. La culpabilité fait en sorte que tu as mal fait. Vu que tu as mal fait, tu te sens coupable. Puis quand tu te sens coupable, tu brûles l'énergie qui te servirait à monter, tu la brûles en culpabilité. Bon. Et la culpabilité, ça peut totalement détruire l'humain. C'est pourquoi les religions ont instauré la phase « viens te confesser ». On va au moins te remettre une partie de ton énergie. Tu vas te sentir moins coupable. Sauf que l'humain n'a pas de libre arbitre dans la réalité astrale des choses. Donc, l'humain n'a pas, vous n'avez pas de libre arbitre psychologiquement, donc, ni dans votre corps physique, ni dans votre vie, ni dans votre conscience psychologique, donc, ni dans vos mémoires, ni dans votre pensée. On n'a pas de libre arbitre. On ne pense pas qu'on va penser. Quand quelqu'un a une idée, il constate qu'il y a une idée. Il n'a pas bâti l'idée. « Ah, ben, j'ai travaillé, t'as eu une idée, tu l'as acheté, une autre idée. » Toi, t'as niaisé pendant une heure ou deux jusqu'à temps qu'on te donne l'idée que, bon, tu dis que c'est bon. Là, tu l'essayes, ça fonctionne. Exactement comme certains marchands ont inventé, ont amélioré leurs produits, puis ont mis tête nouveau, yeah, coke nouveau, plante. Génial! Sauf quand est-ce qu'un gars est génie ou une femme est génie, quand ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Ça ne regarde pas du tout. Mais l'humain, pensant qu'il y a des barbites, il se vautre d'être méritoire. Ce qui va engendrer l'évolution méritoire, et c'est pourquoi l'humain fait en grande partie souffre. Il ne s'autorise jamais à arriver immédiatement, par le processus du miracle, à être quelque chose immédiatement. Il doit travailler pour le mériter. Alors, on mérite son ciel, on mérite sa femme, on mérite son bonheur, on mérite son salaire, il faut mériter. Alors que ça n'a rien à voir, on ne doit pas mériter. Quand les choses se font tout seul, on est dans notre trou. Si tu as travaillé, tu n'es pas dans ton trou. Puis, travaille pas pour être dans ton trou. Laisse-toi flotter dans une attente active pour revenir là-dessus, puis à un moment donné, tu vas l'avoir. Mais la vie, on doit comprendre la mécanique de la vie. Au lieu, par exemple, puis Bouddha avait réussi à ne plus souffrir. Mais on va dire, oui, mais il est mort. Oui, mais il n'a pas souffert en mourant, il est mort avec le sourire. Difficilement compréhensible par l'humain traditionnel. Le Nazaréen n'a pas souffert. Ah ben non, il souffrait, ils l'ont flagellé, il a porté une grosse croix, il avait des couronnes d'épines sur la caboche, puis ils l'ont crucifié. Le peuple qui le regardait a tellement souffert pour lui que lui n'a pas besoin de souffrir. La croix ne pesait rien, c'est un miraculeux. Quand il y a un apôtre et un bonhomme qui est passé là, qui l'a pris, il était pesante en maudit, c'est évident. L'autre, il a voulu pesante, il l'a eu pesante. L'humain vit dans une illusion tellement merveilleuse, j'appelle cela le mensonge cosmique, plutôt comique. Mais l'humain vit dans une illusion, et pour parvenir à se libérer de la souffrance de la vie, de la vie. Donc, vous reveniez ou pas, résurrectionné ou réincarné. Pour mettre fin à la souffrance de la vie, il faut simplement découvrir la mécanique de la vie, comprendre le pourquoi de la vie et par la suite se servir de la vie. Si on se sert de la vie, ça va faire quoi? Ça veut dire que comprenant la mécanique de la vie, lorsque ton serin est mort, tu ne souffriras pas. Oui, mais il est mort, j'ai pas souffert. Ah, t'étais content qu'il soit mort? Non. Bon, ben, bon, de souffrir. On n'a rien à se dire tous les deux. Ça ne sert à rien qu'on parle. Tu vas continuer à souffrir parce que je te dis que j'ai pas souffert. Ça ne sert à rien. Comprendre la mécanique de la vie dissocie totalement à l'humain dans sa conscience. Pas la conscience astralisée, donc pas la conscience psychologique. Je répète que la psychologie, c'est la relation qui existe entre les désirs, les mémoires et l'émotion dans l'âme. C'est la psychologie. Psychose, âme, logie, science qui étudie, quelque chose du genre. Bon, en réalité, c'est la science qui étudie la relation. C'est quoi la mécanique de la vie, grossièrement, parce que tu ne peux pas donner ça dans 15 minutes, mais... Je ne suis pas grossier. OK, sois pas grossier. Brièvement. Je peux être bref. Brièvement, pour toi, ça peut être 3 quarts d'heure, ça fait que... Pour 3 quarts d'heure, tu n'auras pas le temps, là. C'est souffrance, il reste déjà... Mais... Les visions... Vision. Vous savez ce que c'est qu'une vision? C'est la vision que l'humain se donne de sa vie. L'humain, il est 3 choses. Il est ce qu'il est fondamentalement en réalité. Il est ce qu'il pense qu'il est, puis il est ce que les autres pensent qu'il est. On passe notre vie à défendre ce qu'on pense qu'on est, et on essaie d'améliorer ce que les autres pensent que nous sommes. Illusion et souffrance, on passe notre vie à se battre. Oui, mais c'est important ce que les autres pensent de moi. On n'a rien à faire. Ça ne sert à rien. On investit toujours sur le court terme, on n'investit jamais sur la réalité soi-même. Bon, il y a des personnes qui... Bon, prenons l'exemple d'une personne qui se fait bronzer l'été. Elle se fait bronzer chaque été. On dit, oui, mais il faut bien qu'elle ait du teint. Le teint n'est pas la santé. Bon. Quand tu ne l'es plus, teint, qu'est-ce que tu fais? Tant mieux. Tant pis, c'est d'argent. Bon. Mais... Homme ou femme, ça n'a rien à voir. Même les jeunes, c'est la même chose. On passe notre temps. C'est comme, par exemple, prenons un enfant qui, à un moment donné, se chicane pour mettre son maudit chandail parce qu'il est bien dedans quand il va à l'école, parce qu'il y a un chandail avec la face d'un gigolo dessus que tout le monde a, puis bref, il est à la mode, puis il est dans sa gang, puis il est ceci, puis il est cela. Puis dans 6-7 mois, le maudit chandail, il n'en veut plus, c'est peu à mode. Mais toute l'énergie qu'il a mis là-dessus, pour rien. Elle est là, la souffrance. Oui, mais c'est important dans la vie d'avoir un but. Le but, c'est comme beauté, hein? On se fait ramasser. C'est pas, on n'a pas besoin d'avoir de but. Il faut comprendre la mécanique de la vie. On a une fonction. Fonctionnons. On n'a pas de rôle. On n'a pas de mission. On n'a pas de but. On peut trouver des buts si on veut, mais encore là, c'est encore, à un moment donné, problématisé avec des phénomènes. Prenons juste l'exemple des individus qui ont peur à une guerre nucléaire, à l'apocalypse des autres. Bon. C'est la même chose, c'est encore juste une vision d'une mécanique de la vie. Pourquoi la vie est-elle si souffrante? Simplement parce que la façon dont on la conçoit, c'est une façon qui oblige la souffrance, il y a une friction nécessaire. Quand il pleut, ça ne vous regarde pas. Quand il neige, ça ne vous regarde pas. Quand il fait chaud, ça ne vous regarde pas. Bon, oui, mais moi je transpire. Mais combien de données vous allez transpirer? Combien de données avez-vous transpiré? Vous transpirerez encore. Fait que lâchez la transpiration. Oui, mais je me sens mal quand je transpire. Combien d'années vous êtes-vous senti mal? Puis ça va continuer encore. Fait que là, c'est ça. Il faut absolument que la vision que nous avons de la vie s'établisse non pas au niveau du corps physique, au niveau de la mécanique relationnelle collective. Il faut qu'elle s'établisse à un niveau de lucidité, d'intelligence, de vision simple. Tiens, il n'y a plus de courant. Bien, il n'y a plus de courant. C'est simple. C'est simple, simple, simple, simple. Oui, mais si on pense comme ça, si c'est moi qui m'occupe de la centrale, je n'irai pas la réparer, ça n'a rien à voir. On est intelligent. Au lieu de dire, ah, merde, encore en panne, ben, on dit, bon, ben, il faut que je me lève, il faut que j'aille réparer la centrale. C'est la fonction que l'humain a présentement. Pourquoi on lui donne un salaire? Uniquement parce qu'on lui donne du linge, de l'alimentation, des vacances, donc du temps. Pour pouvoir aller se plaindre, peut-être, prendre un coup de soleil ou revenir fatigué, je ne sais pas, on lui donne du temps. On lui donne des choses. Mais notre être humain, lui, c'est donc un échange d'énergie. Mais on ne travaille pas pour avoir un salaire, c'est un échange d'énergie. Il faut voir différemment. Tu es millionnaire, tu es peut-être le gardien de l'argent des autres. Pourquoi? Parce que t'as pas besoin d'avoir un million d'énergie. Ça doit servir à quelque chose. Pas à quelque chose pour assurer tes vieux jours. Encore une vision qui fait que c'est souffrant. Imaginez, l'âge d'or. L'âge d'or. Tu sais, l'âge d'or. D'or est déjà oublié. D'or est déjà rejeté de la société. On place l'âge d'or, c'est probablement pour plusieurs personnes dans notre société, l'un des temps les plus dramatiques. On appelle ça de l'or. Mais oui, mais à un moment donné, là, on va dire, tu sais, c'est l'âge de plomb. Alors, on va tous les démoraliser. On ne les démoralisera pas quand ils vont se rendre compte que, Christ, tu sais, pourquoi tu mets une coupure totale dans ta vie puis décides que maintenant, tu es à la retraite? Savez-vous ce que c'est qu'une retraite? Écoutez des films militaires. Quand on sonne la retraite, on se retire. On se retire de ce pourquoi nous sommes conçus. On retire les soldats, on retire les canons, on les retire de la bataille. On retire les gens de ce pourquoi ils sont conçus. Quand l'humain prend sa retraite, c'est la même chose. On ne prend pas de retraite, mais parce qu'on a une vision de la vie qui fait que tu vas à l'école un bout de temps sans trop savoir pourquoi. Après ça, tu travailles en essayant de t'en sortir, puis finalement, ben, tu t'en sors. On t'en sort si tu t'en sors pas. Puis là, quand tu es à la retraite, tout ce que l'humain peut se dire, ben maintenant, je vais voyager. Écoute, ben, pourquoi tu voyages maintenant? Il te reste combien de temps à vivre? Distraction, on se distrait. Faut bien les occuper. Mais il faut occuper les enfants, il faut occuper les adultes, il faut occuper les personnes âgées. Non, on souffre. Et la vie, moi, avec tout ce que je sais, je serais bien le premier à pouvoir souffrir, à me suicider ou à me mettre au monde, disons, pour fuir l'autre bord. Mais, non, je ne souffre à peu près pas. Puis si je me compare à la majorité des êtres humains, je ne souffre pas du tout. Mais comment tu fais pour ne pas souffrir? T'es conscient? Je ne fais rien pour ne pas souffrir. Il n'y a rien de souffrant. Tu sais, il y a une panne de courant. Il arrivera n'importe quoi. J'ai déjà eu, à un moment donné, un décollement de jambes. Disons une crevaison, après mon automobile, à moins 30 ou 35, il était 11 heures du soir en campagne. Bon, ma femme a dit, pas une crevaison, hein? Non, pas une crevaison. Ça a gonflé. Je descends pour aller voir. Puis là, que je reviens, on roule à terre, on roule sur la jambe. Pas vrai! Hein, non, pas vrai. Mais c'est bon. Après ça, t'essaies d'ôter la jambe, puis la roue, puis ça saute pas, c'est gelé, c'est pogné, le char tremble, bien oui, mais qu'est-ce qu'on va faire, si? On va faire quelque chose. Je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de toujours savoir quoi? On va le savoir quand ça va être temps qu'on le fasse, simplement. Puis j'ai pas besoin de le savoir à décoller. Bon, j'ai mis l'autre nœud. Puis on est parti. Là, c'est l'autre côté, ça a décollé. Parce que je ne savais pas que les jantes en magnésium, ça se crotte. Puis l'hiver, bien évidemment, la température était mieux assez froide. Fait que l'air prend moins d'espace. Deux, mais j'ai une roue de secours. Fait que j'ai roulé sur le pneu jusqu'à temps que je roule sur la jambe, puis là, rendu sur la jambe, je me suis dit, crime, tu sais, le pneu est 150, la jambe est 450, on va attendre un peu. Je préfère payer une remorqueuse. Mais là, il y a un de mes amis qui est arrivé avec un auto similaire à la mienne, lui, il avait une roue de secours, on n'a pas eu de souffrance, on a voulu, on n'a pas souffert. Une nuance. Continuellement, régulièrement, l'être humain est toujours en train de se battre contre un ennemi qui n'existe pas. De ce fait, il ne gagnera jamais. Comme sa vie est de gagner contre cet ennemi, il passera sa vie à souffrir. Est-ce que c'est pas être fataliste, ça, dire, bon... Ben, c'est d'être fataliste en maudit que de se dire un jour, ça ira mieux. C'est vrai, c'est aujourd'hui, yeah! Ça veut dire quoi, demain, check tes claques, t'sais, merde! C'est pour ça que l'humain travaille pour réussir. Il veut pas réussir, il travaille pour réussir. Il veut travailler pour... Et le but de sa vie, c'est de tout faire pour avoir la réussite. Mais il veut pas l'avoir, la réussite. Tu sauras pas quoi faire rendu là. Plus de but dans la vie. Faut changer la vision qu'on a des choses. Faut changer cela. C'est-à-dire qu'il faut commencer à appliquer les choses qu'on a apprises. Faut appliquer les choses que l'on sait. Être transparent avec soi-même, c'est mauditement vital, c'est important. Parce qu'à un moment donné, prenons juste l'exemple. Avez-vous, puis ça, il y a de la médiocrité chez l'humain. Hein? La médiocratie, c'est le vecteur qui dirige la psychologie humaine, l'ego. Mais est-ce que vous, on va dire mérité, le terme n'est pas faux, n'est pas vrai. pas tout à fait faux, mais pas vrai. Est-ce que vous méritez de continuellement chialer? On peut chialer en dedans, on peut chialer à l'extérieur. D'être déprimé, de s'ennuyer. Oh, je m'ennuie pas, moi! Pourquoi? Oh, je suis tellement occupé! C'est ça. Ça, c'est occupé pour voir ce qui se passe, t'es fait à l'os. Même chose. On est autre chose que cela. Mais on s'occupe parce qu'on s'ennuierait si on s'occupait pas. Est-ce que c'est parce que si on s'occupait pas, C'est que l'ennui, c'est une occupation qui nous plaît pas. L'ennui, c'est une occupation, mais ça nous plaît pas. Donc, on s'occupe autrement. Mais à un moment donné, faut qu'on change un peu, parce qu'on finit par s'ennuyer de notre occupation. Burnout, dépression, hein, on en a plein. Bon, c'est une vision que l'on a. On a un emploi, mais je l'aime pas, mon emploi. Tu as un emploi uniquement pour pouvoir, et c'est absolument génial, uniquement pour pouvoir mettre un laps de temps de ta vie. Là, on te donne de l'argent. C'est quoi l'argent? C'est au prolata de ce que tu as travaillé, le temps que tu as mis là, qu'on te rembourse en énergie, plus la capacité de faire autre chose dans un temps où tu ne travailleras pas. Alors, il n'est pas question d'aimer son emploi, il est question simplement d'aller travailler pour aller chercher de la finance qui est là. Puis la finance qui est là, on ne doit pas maintenant, parce qu'on est frustré de l'emploi, la dépenser immédiatement pour se défouler de la frustration. Parce qu'il faut qu'on travaille encore. La personne a fait des économies. Il faut faire attention à pourquoi on fait des économies. Pour s'en servir à un moment donné. Mais quand on va être rendu à l'âge d'avoir suffisamment économisé, on risque d'être trop pissou pour s'en servir. Bon, on ne lâchera pas l'emploi, peut-être ce serait le temps, on ne partira pas en voyage, parce que là, puis là, on va... En tout cas, on en a plein. On doit concevoir la mécanique de l'ego autrement. La vie, elle est là pour qu'on grimpe. Grimper pour aller où? Je m'en fous. Chose qui est évidente, c'est qu'on est poussé par en arrière, puis on est tracté par en avant. Donc, tant qu'à être poussé par en arrière, ça fait mal, puis être tiré par en avant, puis nous autres, on a les deux mains accrochées sur le bord du mur, puis on veut rien savoir. À un moment donné, il faut qu'on se serve de la vie. Pour se servir de la vie, il faut qu'on comprenne les mécaniques. Les mécaniques sont très simples. C'est comme la personne qui, à chaque fois qu'elle voit une plante qui commence à pousser, elle se dit, elle monte vers le ciel, je vais l'aider. Elle prend la plante, puis elle la tire, puis elle la déterre. Merde. On doit fonctionner, on doit connaître la mécanique. Elle a besoin d'eau, je lui donne de l'eau. Mais c'est une niaiseuse qui a dit, 16 affaires de la philosophie, niaiseuse. Donne de l'eau si tu veux une plante. Arrose puis tais-toi. Voilà. Alors, vous avez faim, mangez. Mais il faut faire attention. On doit alimenter le corps physique, pas l'ego. Bon. Oui, mais mon ego, il aura besoin d'un gros morceau de gâteau, là. Donne-y pas. Mais là, donne-y. Mais quand il y aura donné, après ça, tu disais, dis-toi pas. Oui, mais tu vois, là, mais c'est qu'on fait d'avoir. Non, mais tant qu'à chioler que tu t'es fait avoir, on va, donne-y pas, puis chiole que t'as faim, tu sais. Mais tant qu'à chioler, au moins, va vers le vent, quelque chose qui te grimpe. Si tu te donnes, tu vas arrêter de fumer, mais là, t'as le goût de fumer en tabarnouche, là. Bon, t'as pas de cigarette, puis tu pompes. Fait que tu t'en as les brunes. Tant qu'à devoir chioler, oui, mais gars, fume. On n'a rien à faire, que vous fumiez ou pas. Oui, mais ça te dit de gore physique. Christy, à force de chialer comme ça, puis faire des philosophies d'alimentation ou de respiration, on finit par en mourir. Ça vaut pas vraiment la peine. Fume. Maintenant que t'as fumé, ben là, maintenant, je chiole pas, gars, je me suis fait avoir, tu vois, je n'en ai encore pris une, j'ai pas réussi à tenir ce que je m'étais dit, puis oh, merde! C'est pourquoi l'humain souffre? Parce que l'humain est toujours confiné à fonctionner avec des archétypes, c'est correct. Avec des formes, des images, mais des trop petites formes. L'humain n'est pas suffisamment grandiose dans sa vie, dans ce qu'il voit. Moi, je dis qu'on doit préparer sa vie minimum sur les 500 prochaines années. Minimum. Bon, minimum. La seule chose qu'il y a, c'est que l'humain, il va se dire, oui, bon, dernièrement, je parlais à quelqu'un qui me parlait de la réincarnation au maximum. La réincarnation, lui, a essayé d'aller par là. T'as-tu déjà envisagé ta vie sur 200, 300, 400 ans? Ben non, c'est pas d'allure. Mais réincarne-toi pas de bord, parce que si tu réincarnes et t'as rien prévu, pas génial. Ah oui, mais la réincarnation, c'est ça. On met jamais rien en pratique. Sur 500 ans, là, c'est long, ça? Non, c'est pas long. Après 4,5 milliards d'années, c'est pas long, 500 ans. Mais il faut que l'humain devienne un peu plus grandiose. Non, peux-tu être rendu à 400 ou à 425? Bon, on peut s'encourager et se dire ça, même si c'est pas vrai. Chose qui est évidente, c'est que plus t'es pressé, plus ça va être long, puis moins t'es pressé, plus ça va être vite. Question d'ego. Bouddha, lui, comment il avait expliqué aux gens? Il avait parlé de la voie du juste milieu. Mais la voie du juste milieu, tu fumes 21 cigarettes par jour. Oh, c'est juste le juste milieu. C'est lui qui en fume 50, lui, c'est trop. T'sais. L'autre 5, là, lui, pourra fumer plus si vous ne se dérangerait pas. Mais celui qui en fume 5, lui, sa voie du juste milieu. T'sais, 25, c'est trop. Puis bon, finalement, on fait ce qu'on veut avec la voie du juste milieu. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit s'en égoïser. Ça veut dire quoi? Devenir un égoïque. Faire fondre notre ego, c'est lui qui souffre. C'est juste uniquement au niveau de la psychologie. Vous réincarnez 30, au minimum 30 millions de mémoires d'ancêtres. Vos lignées familiales au complet sont chez vous. Et eux souffrent pour nous. Plus le temps passe, plus l'humain souffre. On se dit, oui, on a plus de matière, puis on souffre toujours. C'est évident, l'ego, l'âme, c'est la seule structure qui n'évolue pas. Elle cumule de la mémoire. Et la mémoire expérientielle de l'humanité est une mémoire de souffrance, de guerre, de famine, de maladies, d'épidémies, d'opérations manquées, etc., d'accidents. Et on dit, on a des petits bonheurs de temps en temps. C'est vrai qu'on a des petits bonheurs de temps en temps, mais ces petits bonheurs-là, c'est réellement comme si je mets 5000 livres de pression sur votre pied, puis de temps en temps, j'en ai 1000 livres. Il en reste 4000, il en reste 4000. C'est le bonheur. J'en mets moins 5000, l'autre moins 4000. Bonheur. Mais on n'est pas dedans. C'est pas correct. Comment tu fais pour annuler des mémoires de 30 millions de réincarnations? Tu t'en balances. Tu te balances des mémoires ou de la façon de les annuler? Non, tu t'en balances des mémoires. Soyez ce que vous êtes. Il faut qu'on soit ce que nous sommes. La vie, il faut qu'on s'en serve. Mais ça veut pas, dire... on le fait pas volontairement. On n'est pas... Je le sais. Mais l'idée, simplement, c'est qu'on doit s'arranger pour, progressivement, on n'aura pas le choix, adapter notre vision du monde à ce que nous sommes en tant que conscience lucide. Êtes-vous un être humain qui, nécessairement, devrait encore passer une partie de sa vie à tourner en rond, puis à chercher, puis à se demander, puis à avoir peur, puis à avoir la fièvre de l'évolution, puis la fièvre de l'évolution, puis tu rentres d'une secte, puis tu sais pas si t'es fait fourrer, puis tu sors de la secte, puis tu sais pas si tu manques quelque chose, puis tort, puis nouche. Tu sais, à un moment donné, il faut que l'humain s'aille simplement de s'en faire. La plus grande religion, c'est simplement de faire confiance à quoi? À la mécanique. Simple. Là, c'est convenable. Vous risquez pas de vous tromper, on le sait pas. Dieu, s'il me dirait, prends à gauche, je prendrais à gauche. Dieu me dit, ah, fais attention, prends le bon chemin. C'est pas le bon chemin, je ne connais pas le bon chemin. Ben, ah, tu as lu dans la Bible ce qu'on disait. Oui, oui, j'ai lu dans la Bible ce qu'on disait. Puis j'ai lu ce que l'autre avait interprété. Puis on s'en sort pas plus. Prenez donc un des deux chemins. Oui, mais lequel? Un des deux chemins. Mais lequel? Restez donc là, puis souffrez donc. Prends un des deux chemins. T'sais, j'ai bien fait de prendre de faire ce choix-là. Aujourd'hui, je suis millionnaire. Oui. Mais si tu aurais pris l'autre choix, là, tu serais peut-être millionnaire aussi. Tu serais peut-être heureux à la place. Tu serais peut-être pauvre. Tu serais peut-être... Mais on ne sait pas, on n'a rien à faire. Sauf que si tu es millionnaire aujourd'hui, ou si tu es millaire, ou centenaire, ou 10 piastres, ben c'est parce que c'était sur ton chemin. C'est fataliste. Voyons donc, c'est fataliste. Quand est-ce que vous avez pris des décisions qui ont réussi? Jamais. Il n'y a jamais pris une décision qui a réussi. Ben, quand on a des phénomènes de réussite, on se dit toujours justement... On pense que c'est grâce à nous autres. Eh oui, c'est ça. Quand quelqu'un d'autre, quand on a un échec, on dit que c'est l'autre qui s'est trompé. C'est je passe mon temps, moi, quand je parle à des personnes qui sont en affaires, je passe mon temps à leur dire, c'est de travailler. Tu as 25 clients. Tu vas les travailler au maximum. Non, non, non, non, non. Garde ta liste de 25 clients qui est là, là, puis assieds-toi devant ton téléphone, là, puis... Bon, et au Corneille, puis endors-toi, puis fais rien, puis à un moment donné, réveille-toi, puis là, tu regardes un des noms, là, puis t'appelles-tu celui-là, t'as-tu le goût de l'appeler celui-là? Oh, pour moi, ça marchera pas. Puis toi, ton ego, ça marchera pas, appelle les noms, hein. T'appelles dingue celui-là, tu sais. Ton patron fait 3 semaines qu'il te paye, tu fais rien. T'appelles celui-là, puis il est juste prêt, lui, il achète. Mais tu peux passer comme une autre personne pourrait faire, travailler pendant 3 semaines à harceler les clients, puis tu réussis à vendre celui-là 3 semaines après, parce que là, tu l'as suffisamment organisé. Bon, c'est comme tu veux. L'humain ne peut pas prouver que, bon, moi, je fais des affaires uniquement comme ça. J'attends. T'as pas de patron non plus qui t'endure? Non, je suis le patron. J'attends. Et puis ça fonctionne. Oh oui, mais tout est Daniel Kay, bon, on sait bien. Non. Il y en a combien de millions d'humains prêchent ce que le Nazaréen a dit? Un jour, vous ferez des choses comme moi et même plus. Mais jamais ils vont essayer. Mais écoute, ça fonctionnerait. Voyons donc. Alors, ils attendent. Ils prêchent leur religion. Si quelqu'un dit « Oui, t'as raison, je vais l'appeler. » Tu es un maudit mot menteur. Non, non, non. Faut pas. Un jour, vous verrez Dieu. Ah oui, je l'ai vu hier. Dieu l'a flayé. C'est ça. C'est extraterrestre, ça existe, disent ceux qui en ont vu. Dites-leur, c'est vrai, il y en a qui me met ma cour. Pas maudit mot menteur. ça qui est le problème. C'est que tout est merveilleux tant que ça reste dans l'espoir. Quand il faut le mettre en pratique, là, nous n'avons plus, là. Alors, pour mettre fin à la souffrance de sa vie, il faut être lucide. Être lucide, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement s'arranger. On ne le réussira pas du premier coup parce qu'on a un ego, le virus, hein, qui est extrêmement manipulé et qui nous charrie. Sauf qu'à un moment donné, le sortez-en. Quelqu'un disait, à un moment donné, oui, mais on finit tellement par parler que c'est notre ego qui nous fait faire ça, faire ça, faire ça, ça finit par être une excuse. Sachez une chose, c'est peut-être la première excuse valable que l'homme va dire, puis que la femme va dire. Oh, mais là, je t'ai volé, là, tu sais, mais c'est mon ego qui a fait ça. C'est totalement vrai. C'est peut-être ton ego qui le dit. Mais ça n'empêche pas que c'est vrai en maudit. Il n'y a pas un être humain qui est voleur. Il n'y a pas un être humain qui est tueur. Il n'y a pas un être humain qui est violeur. Il n'y en a pas. Il y a des animaux humains qui le sont. Il y a des mémoires et des manipulations. Les personnes se réveillent toujours après et regrettent. Maudit, il faut qu'on lâche le bebel à un moment donné. Cessez de regretter. Elle fait une connerie. C'est pas vous qui l'avez faite. C'est vrai que c'est pas vous qui l'avez faite. Sinon, vous ne vous diriez pas qu'est-ce que j'ai fait là. Vous diriez, ah, c'est eu. C'est tout. Mais comment tu fais pour... tantôt, tu disais qu'on n'a pas de libre arbitre au niveau de l'ego. Mm-hmm. Il y en a, ou c'est ce que j'ai compris, il y en avait au niveau de la conscience. Mais comment tu fais pour le mettre en application, détecter que tu as un libre arbitre au niveau de la conscience, puis l'appliquer, manipuler nous autres-mêmes? Présentement, vous êtes dans un autobus, vous êtes assis dans un fauteuil confortable devant un volant. Il y a un klaxon. Pédale de gaz, pédale de frein. On a éliminé la pédale d'embrayage parce qu'il y a trop de monde qui chialait. Bon. Et puis là, vous avez le clignotant à gauche, clignotant à droite, puis l'ignition. Vous avez tout ça, hein? Le micro parle au monde en arrière de vous autres. Les rétroviseurs. Merveilleux, merveilleux. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous n'êtes pas conducteur. Vous êtes sur un bas de passager. On vous a tout mis ça pour vous occuper. C'est le temps que le chauffeur vous amène à Québec. À un moment donné, tu sais, on va arrêter à Drummondville, là. Puis ça marche pas, ça fonctionne pas. Le chat, là, ça va pas. À un moment donné, le chauffeur, il fait une pause, lui, près de Québec. À Saint-Georges. Disons qu'il va y faire un tour à Saint-Georges-de-Beauce. Là, quand tu vois pancarte Saint-Georges, tiens, moi, là, Saint-Georges, tu tournes, le début tourne. Ah, ça fonctionne, ça va. C'est évident. T'as pas de libre arbitre dans la matière. Mais là, c'est que t'as décidé de faire ce que l'autobus faisait. Et nécessairement, ça fonctionne en maudit, il faut l'avoir. Bon. Et c'est comme être positif. Là, je veux tourner à gauche, ça tourne pas. Pas grave, un jour, on va tourner à gauche. C'est évident qu'un jour, je vais l'avoir. Tu sais, un jour, l'autobus va tourner à gauche. Ce qu'il faut comprendre pour cesser de souffrir, c'est que je suis un passager. Est-ce qu'il faut comprendre qu'on est un passager ou est-ce qu'il faut devenir le conducteur? Tu ne deviendras pas le conducteur pour l'instant. Donc, parce qu'on t'amène une place, on t'amène à l'école de conduite, là, tu sais, tu conduiras pas pour l'instant. Alors, à un moment donné, ce qu'il faut que l'humain comprenne, c'est que tout ça au complet, là, il n'y a rien à faire là-dedans. Quand il sonne sa cloche pour qu'on vienne le servir à manger, là, il sonne sa cloche, ting, ting, ting, ting, ting, ting, puis ça vient pas, puis ting, ting, ting, ting. Là, il dit, oh, maudit, il m'a fait une crise. Ouah! Puis là, elle vient. Ben oui, mais tout le temps qu'il a pris, là, il a fait sa crise à l'heure où on l'a mené à la bouffe. Bon. Qu'il a crié ou pas, il aurait eu sa bouffe. Bon. Mais il a l'impression que c'est lui qui dirige. Et ça fait partie, on est dans l'autobus, justement. Bon. Alors, on se promène comme ça, on est volant. Tout est cossin, tout réel, ça sert à rien. L'homme, la femme, l'enfant n'a pas de libre arbitre. Je parlais de Guy Lafleur, à un moment donné, c'est un gars génial. Comment il faisait pour être génial? S'il l'aurait su, c'est encore génial. Mais justement, il était toujours à mauvaise place, c'est-à-dire là où la rondelle allait. Puis quand il a lancé les yeux fermés, ben, le gardien il tombait sous le cul, puis il rentrait le but. Ben oui, c'est Guy Lafleur. Maintenant, il n'est plus capable. Mais non, il n'est plus capable parce qu'il n'est plus à bonne place. C'est bien simple. Là, maintenant, c'est un autre qui prend la relève, qui va être à la plage, qui n'est plus à bonne place. Et l'humain, il peut donner des cours, il va donner son expérience, il va ouvrir une école, les gens vont y aller, c'est Guy Lafleur. Il ne fera pas de héros. Ah, il en a sorti un maudit bon. Ben oui, il aurait bien été n'importe où, il aurait été bon, comme Guy Lafleur a été n'importe où, il est devenu bon. C'est bien simple. Gretzky, c'est la même chose. Quelle est son école? La chance, c'est ça son école. Mais on dit la chance, c'est pas la chance, c'est que lui, il est assis sur ce banc-là. Bon, fait que c'est bien simple. C'est que lui, il tourne pour Saint-Georges en même temps que les deux. Exact. Ça donne bien. Il est bien placé. Il voit ce que le chauffeur va faire avant, fait qu'il tourne en même temps que le chauffeur, puis là, il a l'impression qu'il est... Tu veux le cave, il fait comme moi. Tout est en arrière, tu vois pas ce qu'ils font en avant, mais tu t'essayes, tu sais, puis c'est quoi le collectiviste? Tu sais que tout le monde tourne, tout à gauche, tout à gauche, ah, ça tourne à gauche, hein, ça va bien. Ah oui, mais crime, tout le monde suit le gun avant. Mais tu contrôles pas plus ton autobus. Alors, pour mettre fin aux souffrances de sa vie, c'est comme t'es dans l'autobus, puis ça fait 20 ans que t'es dedans. Ça fait 20 ans qu'elle freine pas au bon moment, que les freins sont pas bons, ça accélère mal, c'est tout va mal. Puis de temps en temps, on a du bonheur. De temps en temps, tu freines, ça freine. De temps en temps, ça accélère, c'est sûr. Mais on n'a rien contrôlé. Mettre fin aux souffrances de sa vie, relaxer un peu dans la vie. C'est quoi relaxer? Quand tu pleut, là, si tu regardes pas, relax un peu dans ta vie. Bon, ta femme est arrivée en retard, ton mari est arrivé en retard, ta secrétaire est pas à l'heure, ça répond pas au gouvernement. Relax un peu dans la vie. Tu mets fin à la souffrance. C'est pas du positivisme, tu t'en égoïses. L'avantage que ça a, ça va faire ce que Bouddha voulait. Ça t'amène à créer un double éthérique, puis ça va pas à l'époque, et ça te permet de devenir non réincarnationnable. Ou non résurrectionnalisable. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain se rapproche de l'immortalité. C'est ce que le Nazaréen voulait, faire en sorte que l'humain ne gagne plus le monde de la mort, l'en sortir. Mais pour ça, il faut que l'humain comprenne des choses. Quand le monde venait le voir et lui disait, tu sais, l'autre là-bas, là, je l'haïs bien gros, aime donc ton prochain comme toi-même. Cesse donc de t'en faire avec des conneries qui ne servent à rien. Bon. Et continuellement, je vais aller à l'église. Tu vas aller à l'église? Ben, pourquoi tu es à l'église? Pourquoi tu es à l'église? Je vais aller me confesser. Faisons voir la personne avec qui tu as quelque chose, là. Les choses donc avec. Tu as du temps après, tu iras à l'église. Très, très, très simple. Le royaume des cieux, c'est en vous. Ben, avant quoi l'église? On cherche ailleurs. Simple. Respirer par le nez, expirer par la bouche. Ça fonctionne. C'est comme bien simple. Hey, que c'est bien simple. On a une autre heure après, on va tout compliquer ça. Vous pouvez poser des questions si vous voulez. Tout à l'heure.